Très bel après-midi, il est 13h30 et voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, voyage dans le libéralisme. Une société sans croissance ne fonctionnerait pas. Théorie, colloque et pratique, elle finirait forcément par s'effondrer. Un système à l'épreuve. La croissance infinie n'existe pas dans notre monde. Cette règle s'applique à tous les domaines, sauf un. L'économie est censée connaître une croissance infinie. On ne peut pas comprendre et dominer les détails de cet ordre hyper complexe. It was through audacious and imaginative use of mass production methods that US industry was able to perform its wartime miracle. Beliefs which have led us to do the right things, although they are not factually correct. L'obsession d'Hayek, c'est de montrer que la toute-puissance n'est qu'un mythe et que lorsqu'on se laisse prendre à ce mythe, on aboutit précisément à un ordre totalitaire. La crise économique et financière qui s'est déclenchée en 2007-2008 a remis au cœur des interrogations la question des origines du néolibéralisme. Sait-on d'où vient ce concept ? S'il a toujours signifié la même chose, c'est en 1938, à Paris, lors du colloque Walter Lippmann, que le mot perce dans le débat. Pour répondre ainsi à la crise du libéralisme, plusieurs économistes réputés, dont Hayek ou encore Röpke, posent les bases d'un renouveau des idées libérales. Nous en avons déjà parlé hier, nous en reparlerons aujourd'hui en compagnie de Serge Audier. Est-ce que le colloque Lippmann à Paris en 1938, Serge Audier, permet de mettre à jour, au travers des débats dont nous allons parler, ces controverses où, dans le fond, les gens le savaient avant d'entrer dans la salle, avant de se réunir, qu'ils n'étaient pas d'accord les uns les autres? Est-ce que le fait de se retrouver ensemble et de tout d'un coup de livrer une parole publique, celle que l'on entend, dite par les comédiens, fait tout d'un coup, en quelque sorte, catharsis? Et puis, la crise, entre guillemets, enfin la crise dans le débat se met à éclater. Je crois que c'est un peu entre les deux. Un certain nombre de ces acteurs se connaissaient. Par exemple, les Autrichiens comme Mises connaissaient les Allemands. Ils savaient déjà plus ou moins un certain nombre de points de différence. Notamment, juste avant le colloque, il y a eu un rapport publié par Röpke et Rustov qui ne plaisait pas à Mises. Et Mises l'a dit. Donc, ils savaient quelque part qu'ils avaient des différences. Mais je dirais que face peut-être effectivement à l'urgence, face au caractère dramatique de la crise, ils étaient dans une double obligation. La première obligation, c'était quand même de serrer les coudes. Et donc, ils sont là pour défendre la démocratie libérale, le libre marché face à tous. Donc, ils ont quand même une stratégie de consensus. En même temps, ils sont bien obligés de se rendre compte qu'ils ont des désaccords de fond sur le diagnostic et sur les préconisations. Et là, c'est un des passages les plus étonnants, c'est le combat ou le conflit, comme on voudra, entre l'Allemand Rustov et l'Autrichien Mises. Et Rustov dit, dans un des moments du colloque Lippmann, eh bien, il faut bien constater que dans ce colloque, il y a deux groupes. En fait, il y en a plus que deux, mais il dit il y a deux groupes. Il y a ceux, en quelque sorte, qui disent que le libéralisme est une très bonne chose, que des méchantes élites l'ont en quelque sorte caricaturé, mais au fond, dit-il, le libéralisme, pour ces gens-là, est une très bonne chose et il faut le rétablir. Et puis, il y a ceux qui considèrent que nous sommes vraiment dans une crise très grave et qu'il y a un travail de refonte à faire. Alors, refonte pour Rustov, ça voulait dire aussi tout un encadrement social, tout un encadrement qui avait des dimensions conservatrices. Rustov était très attaché, comme Röpke, à une économie de petits artisans, de paysans. Et donc, il y avait cette dimension-là chez Rustov. Mais chez d'autres, il y a une autre figure que je mentionne qui est tombée dans l'oubli, qui était un auteur qui s'appelle Condlife. Condlife qui avait travaillé notamment en Angleterre. Et Condlife disait très clairement, il y a ceux qui considèrent que le libre marché et les inégalités telles qu'elles sont, c'est très bien. Et il y a ceux qui disent, les inégalités du libre marché telles qu'elles sont produites sont non seulement inacceptables, mais sont extrêmement dangereuses, et donc sont dangereuses pour le libéralisme même. Et donc effectivement, je crois que c'est un peu les deux. À la fois, certains avaient une idée par derrière la tête de différents, mais je pense qu'ils n'avaient pas prévu à l'avance, en quelque sorte, de mettre sur le tapis leurs différends, ce qui prouve aussi que c'était assez confidentiel. C'est-à-dire que comme c'était assez confidentiel, ils s'exprimaient aussi librement. Ce sont aussi des libéraux, hein. Bon, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une certaine éthique du débat, du pluralisme, et aussi, ce sont pas, comme on le croit toujours ou souvent, de purs robots idéologiques, et donc, quand ils ont des désaccords, il leur arrive de les mentionner. Et donc, c'est un peu les deux, mais juste une anecdote. Plus tard, Rustov écrira une lettre à Röpke à propos de Mises. Il détestait Mises, il disait que c'était un paléolibéral. Paléolibéral, ça veut dire un archéolibéral. Et il disait à son ami Röpke, donc cet ami allemand, les gens comme Mises et Hayek sont ces gens-là qui nous ont mis dans le pétrin, qui ont au fond créé la crise de 29, il le dit quasiment comme ça, et ces gens-là devraient être mis dans un musée derrière une vitre. Ce qui est assez extraordinaire, ils devraient être mis dans un musée derrière une vitre, ça veut dire vraiment qu'ils appartiennent au vieux libéralisme archéo et qu'ils portent une responsabilité. Donc on voit qu'il y a même, je dirais, qu'ils n'ont pas tout mis sur la table et que par exemple un personnage comme Rustov avait un ressentiment assez fort à l'égard de ce courant. Mais en même temps, et c'est là le paradoxe de ce qu'est l'histoire vivante, si je puis dire, c'est que dans les rapports de force, les conflits, etc., ces gens-là ont été amenés à travailler beaucoup ensemble, ces gens-là ont été amené à finalement mettre sous le tapis une partie de ce qui les séparait pour finalement privilégier ce qui les rassemblait face à ce qu'ils considéraient comme leurs grands ennemis, c'est-à-dire au fond le dirigisme absolu, etc., etc. Donc ils ont trouvé des consensus qui les ont conduits parfois à mettre sous le tapis des divergences, mais parfois ces divergences sont remontées à la surface. Les consensus parce qu'il y a aussi un chronomètre qui s'appelle Hitler. Il y a un chronomètre qui s'appelle Hitler, mais il faut dire aussi qu'après la guerre, puisqu'on si on anticipe un petit peu après, ces auteurs se retrouveront dans la Société du Mont Pèlerin, et là, ils auront aussi une hostilité évidemment virulente vis-à-vis de l'URSS, ça va sans dire, mais même ils seront très inquiets vis-à-vis de la montée du dirigisme dans toute l'Europe. Donc là aussi, malgré tout, je veux dire que par exemple le plan Beveridge en Angleterre, la montée du welfare en Europe, là globalement les inquiétera parce qu'ils y verront de nouveau la montée d'un dirigisme dangereux. Donc de ce point de vue-là, ils se retrouveront aussi face à des ennemis moins virulents, c'est moins qu'on puisse dire. Monsieur Rougier. La question à l'ordre du jour est la suivante. Le déclin du libéralisme est-il inévitable par suite de la tendance à la concentration des entreprises, à celle des capitaux et à la formation des entreprises, de la substitution du capitalisme des grandes unités au capitalisme atomique? La concentration économique est-elle un effet nécessaire de l'évolution économique ou le résultat du privilège juridique? C'est ce que nous avons à discuter. Monsieur Röpke. La tendance vers la concentration économique et, par suite, vers l'étatisation des entreprises est imputée surtout au développement de la technique et du machinisme. Les entreprises deviennent plus grandes, le nombre de concurrents plus petit et le calcul du prix de plus en plus arbitraire. Cette tendance vers les grandes entreprises engendre le monopole. On a dit que le monopole n'était pas une création de l'homme, mais la création de quelques tendances techniques. On a dit que c'était une folie de lutter contre cette tendance. C'est un des arguments les plus sérieux et c'est pourquoi cette question a été mise en tête de la discussion. Monsieur Mise. Selon une conception déjà ancienne, l'organisation de l'industrie en cartel aurait démontré la réalité de la thèse marxiste de la concentration capitaliste. C'est à la suite de l'adoption des mesures protectionnistes de l'État que les cartels existants se sont développés dans les différentes industries en question. Ce n'est pas le libre jeu des forces économiques, mais la politique antilibérale des gouvernements qui a créé les conditions favorables à l'établissement des monopoles. C'est la législation, c'est la politique qui ont créé la tendance au monopole. Monsieur De Teuf. En général, les États sont intervenus quand psychologiquement ils ne pouvaient pas faire autrement. Dans la plupart des cas, l'intervention de l'État a été indépendante du régime politique. Elle était imposée par le souci d'un minimum d'ordre. Monsieur Marlio. Oui, nous ferons un travail intéressant mais nébuleux si nous cherchons à adapter un système économique dans le meilleur des mondes. Il faudra statuer sur le fait que le monde d'aujourd'hui est le plus mauvais. Comment passer du pire au meilleur? Eh bien, c'est là un problème très grave et très complexe, messieurs. Monsieur Rustov. Monsieur Dotov a dit qu'il y avait des situations dans le régime concurrentiel où l'État ne pouvait s'abstenir d'intervenir. C'est vrai, sans doute. Mais on doit se demander comment ces situations ont surgi, si ce n'était pas l'État lui-même qui les a favorisées ou même qui les a créées. Monsieur Lippmann. Étant donné que le système juridique de la propriété a une influence, est-ce que, sans l'existence de la société à responsabilité limitée, la concentration eût été aussi forte ? Monsieur Mise. Le système juridique de la responsabilité limitée est indispensable à l'existence non seulement des grandes entreprises, mais aussi, très souvent, à des entreprises moyennes ou même petites. On ne saurait nier que les plus grandes entreprises n'auraient jamais pu être constituées sans l'application de ce système. Mais il convient de souligner, de plus, que certaines œuvres d'une importance vitale ne pouvaient être réalisées que par des entreprises de ce genre, et ne l'auraient pas été sans elles. Il suffit de mentionner, à titre d'exemple, la construction de grandes voies ferrées transcontinentales, ou le percement de l'isthme de Suez. Serge Audier, en 1938, à ce colloque Lippmann qui se tient à Paris, il y a un mot qui revient assez régulièrement dans la bouche d'un certain nombre de participants, c'est le terme « progrès ». En général, on n'associe pas forcément au mode libéral la notion de progrès qu'on réserve plutôt, pour le dire vite, à la gauche. Qu'est-ce que certains de ces libéraux entendent comme progrès quand ils emploient ce terme ? Alors, c'est sans doute différent selon les auteurs, mais si on prend par exemple Lippmann lui-même, il est clair que Lippmann est convaincu que les sociétés modernes sont des sociétés qui vont se différenciant, si j'ose dire, se pluralisant par rapport à des sociétés pré-modernes qui étaient des sociétés plus monolithiques, qui étaient des sociétés plus fermées sur elles-mêmes ou des sociétés plus homogènes. Et donc, il y a une valorisation, effectivement, chez un certain nombre d'auteurs, de la société moderne comme une société, en quelque sorte, de différenciation, de pluralisation, et aussi une société où cette différenciation, cette pluralisation par la division du travail, notamment, produit tout simplement de la richesse collective. Donc, il y a chez certains, mais pas tous, je vais y venir à l'instant, il y a chez certains l'idée que, au fond, le totalitarisme, c'est réactionnaire. Le communisme, c'est réactionnaire. C'est-à-dire que le communisme, pour ces auteurs-là, veut revenir en arrière vis-à-vis de la dynamique de la modernité, et en quelque sorte veut ressouder des différences d'activité, un pluralisme, veut le ressouder dans une unité sociale, en quelque sorte. Donc, il y a, premièrement, chez un certain nombre d'entre eux, l'idée que le totalitarisme est un mouvement de réaction. C'est pas un mouvement moderne, alors qu'à l'époque, évidemment, le communisme se percevait beaucoup plus, évidemment, comme un mouvement d'avant-garde. Mais eux le perçoivent plutôt comme un mouvement réactionnaire. Mais là aussi, c'est très compliqué, parce qu'un certain nombre de ces auteurs, je l'ai dit notamment pour les Allemands, sont très fortement marqués par une forme de conservatisme. C'est-à-dire que quand on prend justement ces Allemands, Rustov et Röpke, il est tout à fait clair que chez ces auteurs-là, la modernité conduit à un certain nombre de pathologies. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que chez Lippmann, on trouve une apologie de la division du travail. Chez Röpke, il y a expressément dit qu'une trop grande division est dangereuse. Parce que ce sont des auteurs marqués par une sensibilité plus sociologique, plus de la communauté. Par exemple, Röpke a beaucoup lu un auteur qui s'appelle Le Play. Le Play, c'est vraiment un auteur catholique, de la sociologie catholique française. Et ce sont les fondements de ce qui va s'appeler après le capitalisme rhénan. Bien, là, ça nous ouvrira un deuxième débat ou un deuxième horizon. Je dirais que on a une complexité aussi du capitalisme rhénan. D'abord, le capitalisme rhénan lui-même est un mélange, en quelque sorte, de tendances et diverses. Multiples, ouais. Voilà. Mais ce qu'on a appelé, par exemple, Monsieur Albert a écrit un livre sur le capitalisme rhénan qui était plutôt un compromis. Mais disons qu'à l'intérieur du capitalisme rhénan, il y a eu une influence de ce qu'on a appelé le libéralisme allemand ou l'ordolibéralisme allemand. Et là aussi, il y a des différences internes à ce courant. Disons qu'il y a un courant qui est fortement marqué par, disons, la valorisation d'une politique de la concurrence, d'une constitutionnalisation de la politique de la concurrence, qui a eu une influence sur la construction, d'ailleurs, européenne. Donc ça, c'est un des pôles du libéralisme allemand qui valorise une politique de la concurrence, qui valorise aussi la stabilité monétaire, chose extrêmement importante liée aussi au traumatisme qu'a connu l'Allemagne. D'autre part, il y a donc un pôle qui est plutôt centré sur des règles du marché, un pôle juridique. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, ou l'école de Fribourg. Le plus connu de ses auteurs s'appelle Walter Eucken. Et d'autre part, il y a une sensibilité un peu différente, même si elle partage certains présupposés, qui est donc ce libéralisme sociologique de Rustoff et Röpke, qui étaient membres du colloque Lippmann. Et eux sont certes aussi attachés aux règles de la concurrence, à la stabilité monétaire, mais ils insistent énormément sur l'ancrage social, sur la nécessité de petites entreprises. Il y a, alors vous me direz, c'est aussi peut-être quelque chose qui fait partie du modèle rhénan, ou en tout cas qui a influencé aussi les visions allemandes, mais ils sont vraiment attachés à la petite paysannerie pour Röpke, les petits entrepreneurs, les petits artisans. Il y a dans les textes de Röpke une critique dévastatrice du gigantisme. Gigantisme boursier, gigantisme industriel, gigantisme architectural, etc. etc. Donc il y a une dimension fortement conservateur. Il y a même des choses assez peu connues. Il y a même une dimension qu'on pourrait dire pré-écologiste chez un certain nombre de ses auteurs. Par exemple, il y a des textes de Röpke dès les années 40 qui disent « Nous sommes en train de détruire l'environnement, nous sommes en train de vider les ressources minières, les ressources pétrolières, etc. » C'est un Allemand qui est très marqué finalement par une culture du romantisme. Et parfois, Röpke a été à l'époque, plus maintenant, parce que maintenant on en fait le père du néolibéralisme au sens où on l'entend aujourd'hui, mais à l'époque, Röpke était souvent catalogué comme un romantique. Romantique, non pas qu'il n'était romantique en toute chose, mais il était un peu marqué par cela, et donc il y a des éléments de libre marché, de concurrence chez lui, et il y a des éléments de critique de la modernité, de critique de l'industrialisme. Par exemple, il y a un passage hallucinant dans un de ses textes des années 40, où il dit qu'il est absolument contre la fabrication industrielle des bouteilles. Il dit que c'est vraiment dramatique, la fabrication industrielle des bouteilles, que certes, quand on les faisait à la main et à la bouche, si j'ose dire, c'était un peu dangereux, etc. Mais les artisans avaient le bel objet, en quelque sorte. Et donc, c'est là-dessus que je voulais un petit peu insister. C'est essayons de voir ce qui annonce le présent. Et il y a des choses qui annoncent le présent, incontestablement. Politique de la concurrence, valorisation de l'entrepreneur. Mais ayons aussi en tête ce qui n'anticipe pas le présent et ce par quoi le présent se sépare de ce passé. Serge Audier, que pensent, que disent, s'ils se prononcent, les participants allemands au colloque Lippmann en 1938 à Paris, de la présence d'Hitler à la chancellerie ? Ah ben, ils sont horrifiés, ils n'en disent rien, mais pour eux c'est une horreur absolue. Il faut quand même rappeler un élément biographique que je n'ai pas dit, hélas, c'est que les Allemands libéraux ont eu des trajectoires diverses sous le Troisième Reich. Certains ont travaillé à l'intérieur du régime, on les a parfois accusés d'être un peu trop en connivence avec le régime, à voir. Beaucoup d'historiens disent par exemple que Walter Eucken était lié à des mouvements silencieux de résistance. Il y a des débats, mais je dirais quand même qu'une partie d'entre eux était quand même en retrait par rapport au régime nazi, notamment les ordo-libéraux, ceux de l'école de Fribourg. Et puis, il y a les deux cas de Röpke et de Rustoff, qui considéraient, surtout Röpke, que le nazisme était une catastrophe, puisqu'il a critiqué ouvertement le régime nazi. Et au fond, on lui a demandé de prêter serment, comme on demandait à tous les universitaires de prêter serment au régime. Il a refusé. On lui a ouvert la porte se reprendre, puisqu'il n'était pas juif, il pouvait très bien prospérer dans l'université allemande. Et il a refusé, et donc il est parti. Il a émigré en Turquie, il a émigré aussi à Genève, et donc c'est un exilé anti-nazi. C'est véritablement un militant, si j'ose dire, libéral anti-nazi. Rustoff a un parcours un peu plus compliqué, mais après la nuit des longs couteaux, il a été aussi obligé de s'exiler, et il est parti en Turquie, il est rentré beaucoup plus tard en Allemagne, il a vécu pas mal de temps à Istanbul. Et donc ce sont des exilés, comme beaucoup des gens qui sont d'ailleurs au colloque Lippmann, hein, ce sont beaucoup des exilés, beaucoup de gens qui fuient le nazisme, etc., et il considère que le nazisme donc est une catastrophe et que le nazisme est le résultat en quelque sorte de pathologie liée à l'Allemagne. Pour Röpke, il y a un drame allemand qui est lié au poids de la Prusse, qui a en quelque sorte tout déstabilisé selon lui. Et au fond, la tradition prussienne a en quelque sorte conduit à une culture militariste, une culture ultra-dirigiste, une culture très conformiste, etc. Donc il y a des racines très profondes pour Röpke dans la Prusse de la catastrophe nazie. Et au-delà, il y a un certain nombre de catastrophes plus liées à l'histoire de l'Allemagne de Weimar. Et notamment, il considère qu'une politique trop favorable aux cartels a été une des causes, en quelque sorte, à la fois du désastre allemand et du désastre politique allemand. Et ce sont des auteurs qui sont obsédés par la politique contre les cartels, contre les ententes. Ils sont pour une politique de la concurrence, de ce point de vue-là aussi, à l'égard de ce qu'ils perçoivent comme avoir été une des causes de la crise allemande. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. En Allemagne, où la crise ébranle une économie encore bien fragile, les banques assiégées par le public sont réduites à fermer leurs portes. Le régime nazi, que la crise a contribué à porter au pouvoir, lutte contre le chômage par des manifestations spectaculaires que préside le Führer. Serge Audier, que peuvent espérer les participants au colloque Lippmann qui se tient à Paris en 1938 ? Ils sont là, à l'évidence, pour faire passer leurs idées. Ils sont là pour échanger. Mais peuvent-ils espérer qu'à partir du colloque Lippmann, des décisions d'ordre politique, économique, industriel, pourraient être prises ? Est-ce seulement l'amorce de ce que l'on appelle désormais le think tank ? Ou est-ce autre chose? Je dirais que c'est un peu les deux. En un sens, ils ont souci, un certain nombre d'entre eux, de, notamment les Français, d'orienter la politique économique française dans un sens plus libéral. Un certain nombre d'entre eux, mais pas tous, hein, un certain nombre d'entre eux étaient très hostiles au Front populaire, et donc ils essayent de réorienter la politique française dans un sens plus libéral. Un certain nombre d'entre eux aussi, comme Robert Marjolin, considèrent que il faut rendre la France plus productive, plus efficace économiquement, pour faire face à la menace nazie qui arrive. C'est très intéressant, par exemple, quand on prend le cas de Lippmann. C'est fascinant quand on lit la correspondance de tous ces auteurs. Lippmann, donc, a été vraiment le fer de lance, en quelque sorte, même si on l'a invité, du colloque Lippmann. Et peu après le colloque Lippmann, s'était fondé un petit centre de recherche sur le libéralisme. Lippmann écrit à Rougier, qui avait fondé ce centre, cette sorte de think tank, et lui dit, et c'est déjà la guerre, il lui dit... Oui, bon, c'est une bonne idée, mais vu que la guerre arrive, c'est plus d'actualité. Et il dit en toutes lettres à Rougier, à la limite, maintenant, il faut restreindre certaines libertés, car nous sommes en guerre contre les nazis, et c'est la guerre patriotique. Il est aux côtés de nouveau de Roosevelt, comme quoi il a beaucoup bougé, ce Lippmann, et en quelque sorte, il considère que ce n'est plus d'actualité. Donc, il ne faut pas essentialiser ces auteurs qui évoluent selon les circonstances, etc. Certains évolueront très peu, Mises évoluera très peu, Hayek évoluera très peu. D'autres, au contraire, selon les circonstances, évolueront. Donc, je dirais, pour répondre à votre question, premièrement, certains veulent intervenir sur le contexte de leur époque. D'autres ont des visées à plus long terme de transformation intellectuelle, de transformation dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un logiciel, en quelque sorte. Et je dirais que celui ou un de ceux qui allait le plus loin dans cette direction, surtout après-guerre, c'est Hayek. Hayek, véritablement, en fondant la Société du Mont-Pèlerin, avec d'autres, notamment avec Röpke, une Société du Mont-Pèlerin qu'il voulait faire aux influences extérieures. Il voulait pas qu'il y ait de journalistes qui colportent en quelque sorte ce qui avait été dit. Il voulait que ce soit une sorte d'académie libérale. Hayek disait, les élites intellectuelles socialistes ont fait le pari du très long terme en changeant les représentations, en développant une utopie socialiste. Eh bien, nous, libéraux, nous devons faire la même chose. Et donc, Hayek avait véritablement la conviction qu'il y avait un travail intellectuel de fond qui allait avoir ses fruits, mais sur le long terme. Et donc, on a des stratégies un peu différentes selon les protagonistes. Mais j'ajoute, ce qui est très intéressant, c'est que même sur la Société du Mont-Pèlerin, où il y a eu d'énormes bagarres sur beaucoup de choses, une des bagarres, c'était est-ce qu'on agit sur le court terme et sur les décideurs, ou est-ce qu'on agit sur le long terme ? Certains disaient, il faut mener une bataille à très court terme, contacter les journalistes, contacter les politiques, agir immédiatement sur les politiques publiques autant qu'on le peut. Et d'autres disaient, c'est une erreur, nous sommes un conclave de penseurs, nous devons transformer le logiciel intellectuel, et donc ce sera un travail de très longue haleine, et ne nous perdons pas dans des prise de position politique immédiate. Ça ne veut pas dire que ceux-là étaient désintéressés ou n'avaient pas aussi des prises de position. Ça veut dire qu'ils avaient des stratégies différentes. Thank you. Parmi les participants, Serge Audier au colloque Lippmann, il y en a qui tiennent de ces expressions qui prêtent à sourire quand on les lit, à savoir par exemple « le meilleur des mondes ». Pour vous qui avez lu, avez travaillé sur ce colloque et son contenu, quelle est l'idée ou quel est le personnage qui vous a le plus stupéfait ou étonné quant à l'originalité de sa proposition ? Je crois qu'un des plus étonnants est tout de même Lippmann lui-même. Lippmann lui-même est vraiment un cas très bizarre, même dans sa trajectoire personnelle. Une fois de plus, j'ai dit, vient du socialisme. Il soutiendra dans les années 60 Johnson et Kennedy, les politiques les plus sociales qu'ont connues les États-Unis durant cette période. Il a eu des époques conservatrices. Donc d'abord, c'est quelqu'un qui a énormément bougé selon les circonstances. Mais je crois que c'est le plus intéressant et le plus étonnant parce que, au fond, sa pensée contient des virtualités sinon contradictoire, du moins très diverse. D'un côté, il fait l'apologie où il veut défendre le libre marché face au dirigisme. Il veut même défendre une société concurrentielle. Et donc, il y a des aspects chez Lippmann qui peuvent se prêter à une poursuite, en quelque sorte, ou à une radicalisation qui mettrait en avant, au fond, l'idée qu'une bonne société, c'est une société de concurrence effrénée. Mais en même temps, c'est ne prendre qu'un petit bout de Lippmann, c'est prendre de la colle et des ciseaux, car si on prend l'ensemble, il y a notamment tout un passage qui s'appelle l'agenda du libéralisme. Et dans cet agenda du libéralisme, il y a des propositions tout à fait étonnantes, puisqu'il dit certes que beaucoup de richesses sont indues, c'est-à-dire qu'elles sont dues à des positions de monopole ou autres, mais enfin il dit clairement que les deux mesures pour lui les plus urgentes sont impôt progressif massif sur les fortunes les plus hautes, et deuxièmement, des taxes sur les successions extrêmement fortes. Et ce qui est intéressant chez Lippmann, et c'est pas pour le défendre ou pour me reconnaître en lui, parfois on me l'a reproché, c'est absurde, ce qui est intéressant du point de vue historique, c'est qu'il voit qu'il y a un problème. Il voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'une économie où la captation des richesses est faite par une infime minorité pose non seulement un problème économique, mais, et c'est ce qui est rarement dit à propos de Lippmann, pose un problème politique. Et Lippmann est tout à fait clair. Et il a un passage que je trouve tout à fait fascinant, il mobilise Aristote. Et Aristote, dans la politique, disait clairement qu'une bonne société, c'est une société où il n'y avait ni des trop riches, ni des trop pauvres. Aristote avait le rêve, en quelque sorte, d'une société équilibrée avec des classes moyennes. Je ne dis pas que Lippmann est Aristote, infiniment de choses l'en séparent, mais c'est intéressant qu'il mais le dit cite. Mais il dit classe moyenne, parce que, antidote. Voilà, la classe moyenne est un antidote, est une société où il y a trop de captation des richesses par une infime minorité, et de l'autre côté, trop de pauvres prolétarisés, eh bien, ça nous conduit à une explosion, c'est-à-dire qu'une trop forte polarisation des richesses dans une toute petite minorité, eh bien, est catastrophique. Alors, je trouve c'est intéressant de voir ces tensions qui font qu'un auteur comme Lippmann a pu être lu dès son époque dans des perspectives totalement divergentes. C'est-à-dire, certains en ont fait un apôtre du marché, de la règle de droit qui règle la concurrence. Donc, ils ont dit, voilà, c'est notre ami. Lippmann est le porte-parole de notre apologie d'un libre marché régulé concurrentiel. Et d'autres ont dit, chez Lippmann, il y a des intuitions qui en font plutôt un libéral social. Gaëtan Pirou disait, finalement, dans La Cité Libre de Lippmann, donc le fameux livre de Lippmann, on pourrait rentrer une bonne part du programme du New Deal à l'intérieur. Et donc, ce sont ces tensions, ces difficultés, ce qui peut paraître pour nous des contradictions, qui me paraissent intéressantes au regard de ce que sera, au fond, une fois de plus, la grande offensive, qu'il ne faut pas caricaturer, car il y avait des personnalités diverses aussi, mais quand même de ce que sera la grande offensive des années 70, car une fois de plus, vous ne voyez pas ces tensions, pour prendre l'exemple le plus connu, évidemment, chez Milton Friedman. Vous ne les voyez pas, vous ne les trouvez pas. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est symptomatique d'un certain nombre d'évolutions du temps et d'évolutions des rapports de force dans le temps. Ce ne sont pas des jugements de valeur que je porte, ce sont plutôt des considérations historiques pour mesurer la différence des temps. Merci Serge Audier d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci. Rendez-vous dimanche soir sur RTS2 pour découvrir le nouveau documentaire d'Histoire Vivante, documentaire intitulé « Erreur système, la fin du capitalisme ». Cette semaine était mise en onde par Jean-Philippe Svalen.